Pour ceux qui sont là pour la première fois, on est dans Genèse chapitre 20. On a commencé Genèse il n'y a pas très longtemps. Ben, en fait, il y a 20 chapitres. Et on est rendu dans chapitre 20 ce matin. Je vais regarder ça avec vous. Oui, d'accord. Merci. Alors, je vais prier parce que j'en ai besoin. C'est simple, la vie. Hein? Alors, Dieu éternel, celui qui se révèle aux hommes, celui qui a pensé premièrement à nous créer, à nous faire participer à ta création, à être le chef de ta création, celui qui nous appelle à te suivre, à marcher avec toi, à te découvrir dans nos expériences de vie. Dieu, tu sais à quel point j'ai besoin de ton aide pour que ta parole, Seigneur, fasse son œuvre dans chacune de nos vies. On sait qu'elle a la puissance pour transformer les cœurs. Ta parole, elle a aussi la puissance pour guérir, elle a la puissance pour rassurer, pour consoler. Et ce travail-là, Seigneur, c'est que ton esprit qui puisse le faire dans nos vies. Moi, je suis juste comme un haut-parleur par lequel toi, tu veux interpeller le cœur de ceux qui sont ici ce matin, de ceux qui sont à distance et qui, nous savons, Dieu, on a besoin de toi tous les jours, comme on l'a chanté. Et ce qu'on va lire ce matin, Seigneur, donne-nous d'être attentif. Donne-nous d'avoir un cœur bien disposé. Bien disposé à recevoir ce que tu veux nous enseigner dans le but qu'on le mette en pratique, un peu comme on l'a chanté tantôt, que la brebis, elle désire te suivre, désire marcher avec toi. Alors, Seigneur, glorifie-toi dans ta parole et que ton esprit soit puissamment à l'œuvre en nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai le privilège de toucher le chapitre 20. J'ai appelé ce chapitre-là « Dieu veille sur l'accomplissement de sa promesse ». Donc, vous avez vu avec Pierre la semaine dernière, je pense... Vous avez vu chapitre 19, bien sûr. Et vous avez vu qu'il y avait eu une destruction, qu'Abraham avait intercédé, puis qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Mais là où Dieu m'a conduit un peu dernièrement, c'est que Dieu choisit des gens. Il choisit vraiment des gens sur la terre dans lequel il va parler, dans lequel il va agir, dans lequel il va transformer la vie, transformer la pensée, transformer la façon de voir Dieu et de voir le monde. Et en même temps, c'est que Dieu a appelé Abraham. Donc, on l'a vu dans le passé, Abraham était avec son père, avec sa parenté, il était à Ur en Chaldée, qui est en Mésopotamie, donc près de Babylone. Dieu l'appelle de là, de Ur, et il lui demande de le suivre, de marcher avec lui. Et là, on voit ça dans le chapitre 12, versets 1 à 4. Et ensuite, Dieu va partir avec son père, il va aller jusqu'à Charan, Haran, qui est dans le coin de Ninive, un peu à haut de Ninive par là. Mais ce n'est pas la finalité de la vie d'Abraham. C'est que Dieu veut l'amener à avoir comme une relation tout seul avec lui. Quand je dis tout seul, c'est que Dieu s'adresse à lui. On sait qu'Abraham n'est pas tout seul dans sa vie. Il y a son épouse qui est toujours avec lui. Il y a eu Lot, son neveu, qui l'a suivi. En même temps, il y a plein de serviteurs, de servantes. Mais je veux dire, Dieu veut avoir une relation avec lui, Abraham, et il va le prendre de là. Et il va l'emmener dans un pays complètement inconnu. Et là, ça dit à chacun de nous, comme ça disait Abraham, Abraham, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance, puis je vais t'emmener dans des verts pâturages. Je vais t'emmener dans des lieux inconnus, mais là où tu vas mettre le pied, tout ça, ça va t'appartenir. Et Dieu, déjà là, il est en train d'interpeller Abraham pour lui dire que moi, je te connais et je veux faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Mais non seulement quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, mais faire quelque chose d'extraordinaire par ta vie. Ça va venir toucher des gens autour et ça va venir les amener à savoir qui je suis et à croire en moi. C'est ça que ça va les amener. Alors, c'est l'Éternel qui a choisi Abraham pour être un témoin de sa grâce. Qu'est-ce que Dieu peut faire indépendamment de nos choix? Fait que des fois, on va avoir des choix qui n'ont pas d'allure, que ça n'a pas de bon sens. Mais même à travers ces choix-là, Dieu va se glorifier et il va venir manifester sa grâce envers nous. Moi, j'en ai fait plein de mauvais choix dans ma vie. Si je devais les énumérer, on serait ici encore demain matin, mais je ne vais pas faire ça. On va prendre Abraham comme exemple à la place. Ça va m'éviter d'autres choses. Bon. Fait que Dieu a commencé une œuvre dans la vie d'Abraham. Il a commencé une œuvre qui va la rendre à la perfection. Bon, des fois, on a de la misère à dire, regarde, sur la terre, on ne peut pas atteindre la perfection. Mais l'œuvre que Dieu fait, à la fin de ma vie, je pense que l'œuvre que Dieu avait à accomplir dans ma vie, elle est parfaite. Elle est parfaite pour le jour de Christ. Elle est parfaite pour quand je vais comparaître devant lui. Alors, tout au long de sa vie, l'Éternel va construire sa foi. On avait vu dans les textes précédents, quelqu'un nous avait enseigné qu'Abraham, il vient d'un pays idolâtre. Et lui-même était idolâtre, comme toute sa famille. Mais Dieu veut l'amener à avoir un seul Dieu dans sa vie, l'Éternel, celui qui a tout créé. Et pour ça, il va construire sa foi et il va rendre sa foi inébranlable. Ce n'est pas tout à fait le chapitre qu'on va voir ce matin, mais il est en progrès. Quelqu'un m'avait fait un dessin une fois pour indiquer la foi d'un croyant. Donc, la foi d'un croyant, elle n'est pas comme ça. On n'est pas comme dans les montagnes russes ou bien comme dans les rocheuses. C'est notre foi, elle est comme ça. Mais autour de cette ligne-là, on se promène de même. Fait que notre foi progresse, mais on diverge. De temps en temps d'un bord, de temps en temps de l'autre. De temps en temps plus, de temps en temps moins. Dieu a fait une promesse à Abraham. Et le titre là, de « Dieu va veiller pour que l'accomplissement de sa promesse se réalise ». Et là, on va lire le chapitre 17, du verset 15 jusqu'au verset 21. Si vous n'avez pas de Bible, je vais vous lire ça, malgré que je l'ai peut-être. Non? Oui, je l'ai, mais attendez un peu. Attendez un peu, je vais me situer, je vais vous donner mon plan. Juste pour vous donner une idée d'où on s'en va. Alors, Dieu va veiller sur l'accomplissement de sa promesse dans le sens qu'il va venir intervenir auprès d'Abimélec, qu'on va voir dans notre texte. Donc, Abimélec, c'est un roi qui est dans le pays, qui vit à Guérar, il est roi de Guérar, et Guérar, c'est de la région des Philistins, près de la Méditerranée. Donc, Dieu va aller intervenir dans la vie auprès d'Abimélec. Il va amener Abraham à considérer quelles sont les intentions qui motivent ses actions. Mais en même temps, suite à tout ce qu'on va lire, on va se rendre compte que pour que l'accomplissement de la promesse se fasse, Dieu ne va pas rejeter Abraham. Mais au contraire, il va lui faire grâce par-dessus tous ses choix. OK. Et là, je vais vous amener dans Genèse chapitre 17, le verset 15. Et là, regarde la promesse que Dieu a donnée et le pourquoi ou comment il va agir dans ce chapitre 20 pour que sa promesse aille jusqu'à terme. Donc, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et regardez la promesse que Dieu dit. Je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Dieu dit, verset 19, certainement, Sarah t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Au moment où Dieu dit ça, Sarah n'est pas enceinte. OK. Il dit, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Et verset 21, il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci l'année prochaine. On n'est pas loin de la réalisation de la promesse que Dieu vient de dire. Et là, on va lire Genèse chapitre 20. Alors, je vais vous lire au complet. Et selon le plan que je vous ai donné, je vais y revenir en section. Et je lis dans la version seconde. Abraham partit de là, donc d'où il était, on pense qu'il était à Hébron, je pense que Pierre a enseigné la semaine dernière, pour la contrée du Midi, donc il s'en va vers le sud. Il s'établit entre Kadès et Shur, et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de sa femme, de Sarah sa femme, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et il lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin et il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. » Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, il dit à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. » Abimélec prit des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes et il les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimélec dit, « Voici mon pays devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te servira d'un voile, te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Il y a des choix que l'on fait qui ont des conséquences. Donc, Abraham et Sarah, ici, ont fait un choix. Ils ont choisi de dire quelque chose qui les concerne. En fait, c'est une demi-vérité. Mais pour préserver sa promesse, que Dieu a dit que c'est Sarah qui allait enfanter d'Abraham et non d'Abimélec. Donc, pour accomplir sa promesse que Dieu a faite, c'est qu'il va intervenir auprès d'Abimélec. Comment est-ce qu'il fait ça? C'est Dieu se révèle à lui dans un songe et Dieu lui parle. Donc, on avait un échange, Lise et moi, ce matin dans l'auto. Oui, mais Dieu, comment Dieu parle aux hommes et comment on réagit en retour? Donc, Dieu avait déjà parlé à Agar, si vous vous souvenez. Et il y a une discussion avec Agar. Ce que Dieu cherche par-dessus toute chose, c'est une relation avec les êtres humains. Il veut qu'on ait ce dialogue-là avec lui. Il n'est pas insulté quand on lui pose des questions ou quand lui nous donne des questions et qu'on n'a pas tout à fait la bonne réponse. Mais Dieu veut vraiment qu'on fasse partie de son plan. Lorsqu'il intervient auprès d'Abimélec, il lui dit dès le départ, « Tu vas mourir. » C'est un peu radical. On pourrait être choqué. En fait, je vais vous donner un profil historique. Il ne faut jamais oublier que nous, on est dans le Nouveau Testament. Mais là où se trouve Abraham, là, il est avant la loi, avant les règles de conduite que Dieu a données sur le mont Sinaï, avant tout le choix des tribus, avant la venue de Jésus-Christ, avant le départ de l'Église, avant la propagation de l'Évangile, avant que le Saint-Esprit soit venu. Abraham n'a pas grand-chose entre les mains. En fait, il n'y a rien pour lire. Sauf que Dieu parle. Comme Dieu va parler à lui aussi, à Abimélec. Pourquoi? Il s'intéresse à cet homme-là. Il veut aussi user de grâce envers Abimélec. Donc, il va lui dire au départ, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que la femme que tu as, elle a un mari, elle est mariée, elle appartient à quelqu'un d'autre. Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans le Nouveau Testament où Dieu a envoyé un prophète vers quelqu'un pour lui dire qu'il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère? Vous vous rappelez Jean-Baptiste à l'égard d'Hérode? C'est comme une répétition de ce que Dieu est en train de dire maintenant. Mais Abraham, lui, n'a pas tout le profil qui vient après. Il n'a que sa relation directe avec Dieu. Mais Dieu va lui parler avec vérité. Ni plus ni moins, Dieu ne fait pas de détour. Il ne va pas cacher quelque chose. Il va lui dire exactement ce qu'il doit faire. Je vais vous lire ce qu'il doit faire. Il va dire à Abimélec, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. » Donc, Dieu est très, très clair, très précis en même temps. Il dit, « C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. » Donc, Dieu a fait une intervention dans son cœur. Donc, même si Abimélec a posé déjà un geste en enlevant Sarah et en l'emmenant dans son royaume, Dieu a mis des limites à son action dans le but de protéger sa promesse, de protéger Sarah et de faire en sorte qu'Abraham croit encore plus dans ce que Dieu dit. Et Dieu lui dit, « Rends cette femme, la femme à cet homme, car il est prophète, il va prier pour toi. » Et tu vas vivre. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. C'est très sérieux. C'est très sérieux ce que Dieu dit. Ni plus ni moins, est-ce que Abimélec, qui a entendu ce que Dieu lui a dit, est-ce qu'il va faire ce que Dieu lui a dit? Sa vie en dépend. La vie de son royaume en dépend. la vie de sa femme en dépend, la vie de tout ce qu'il possède en dépend. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'Abimélec craint Dieu, parce qu'il va faire exactement ce que Dieu lui dit. Il craint Dieu et il va même parler à Dieu de façon franche. Et ce qu'il va utiliser comme argument, c'est au verset 4, il dit « Feras-tu périr même une nation juste? » Et ça, c'est exactement la motivation d'Abraham lorsqu'il a intercédé auprès de Dieu pour sauver Lot et Sodome. C'est pour ça qu'on pourrait voir dans la vie d'Abimélec qu'il a une crainte de Dieu. Il n'a peut-être pas la connaissance qu'Abraham possède, mais il a une crainte suffisante de Dieu pour l'écouter, l'entendre comme il faut et lui obéir. Et ça va faire en sorte que sa vie va être épargnée. Dieu sait ce qu'on vit, nous aussi. La même chose que ce que Abimélec vit. La même chose que ce qu'Abraham fait. Dieu le sait. Et là, il va l'empêcher, lui, de pécher. Contre qui? Contre Dieu. Et c'est exactement ce que Nathan, lorsqu'il va aller voir David, il va lui dire que David a péché contre Dieu en prenant la femme, encore là, de quelqu'un d'autre. Voyez? Donc, Dieu veille sur l'accomplissement de sa promesse. Il amène Abraham à considérer quelles sont ses intentions. Ce qui est assez spécial, c'est que Dieu ne le fait pas directement. C'est qu'il passe par Abimélec. Il passe par quelqu'un qui a déjà été touché par lui. Et c'est à travers lui que Dieu va lui enseigner quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire? Abimélec, lui, il appelle Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je, moi, offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » C'est intéressant ce qui est dit, vraiment intéressant. Parce que souvent, dans nos relations les uns avec les autres, on va prêter des intentions à l'autre personne, sans même avoir posé aucune question. Quelqu'un se présente, il nous dit qu'il a fait telle affaire, et tout de suite, on lui prête des intentions. Alors que, regardez bien la dynamique que Dieu donne à Abimélec pour agir. Premièrement, il va lui poser une question. Qu'est-ce que tu nous as fait? Abraham, reconnais ce que tu as fait pour nous, ce que tu as fait envers nous. Reconnais-le et je souhaite te l'entendre dire. Comprenez? Donc, il va lui poser une question. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il lui dit carrément la vérité. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se faire. Et il n'est pas en train de, je ne crois pas qu'il est en train de l'accuser. Il est en train de dire carrément, voici ce que ça provoque. Voici le choix que tu as fait. Voici ce que ça vient provoquer dans ma vie. Et ça, dans nos relations, c'est encore là intéressant de dire ça. Fait que non seulement je veux savoir l'autre pourquoi il fait, mais je vais lui exposer moi ce que ça me fait vivre. Et je veux savoir encore là, je veux aller plus loin avec lui. Il va poser la question, quelles sont tes intentions? C'est souvent une question qu'on ne pose jamais. Et on va arriver plutôt à du jugement, plutôt que de connaître l'intention de l'autre. Si on connaissait l'intention de l'autre, peut-être que toute la discussion et l'échange seraient différents. Pourquoi? Parce que son intention est cachée dans son cœur. Elle est cachée dans sa pensée. Et il n'y a que Dieu qui la connaît. Et là, ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de la dire ouvertement, par Abimélec, de savoir quelle est ton intention, Abraham, en agissant comme ça. Ça n'a pas d'allure. Et ces étapes-là, je dirais, retenez-les. Parce que c'est Dieu qui est en train de nous enseigner. Donc, même avec nos enfants, même avec notre épouse surtout, que souvent on va lui prêter des intentions, on va lui en donner des généreuses en plus, hein? Et ça ne se tient pas. Quand on écoute la réponse à la question, on se rend compte, « Ah, j'ai fait erreur. J'ai fait une erreur de jugement. Je me suis trompé. » Et là, on peut demander pardon. Ces étapes-là sont importantes. Il faut en tenir compte. Quelle va être la réponse d'Abraham? En fait, la question que je pourrais vous poser maintenant, jusqu'ici, là, est-ce que tout le monde s'est bien conduit? Qui est sans reproche? Qui? Ah, voilà! Voilà! Dieu est sans reproche. Hein? Donc, Abimélec, lui aussi commet des erreurs dans sa vie. Et Abraham aussi commet des erreurs, même s'il a vraiment une meilleure connaissance de Dieu qu'Abimélec peut l'avoir. On va regarder ce que Dieu va faire avec Abraham. Regardez bien la réponse à la question qu'Abimélec lui a posée. Qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé? Et quelles sont tes intentions? Verset 11. Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. » Voyez-vous la présomption. Donc, lui est en train de voyager. Dieu lui a donné le droit d'aller se promener partout. Parce qu'il lui avait fait la promesse avant qu'à partir de la Grande Mer, la Méditerranée, jusqu'à l'Euphrate là-bas, ça va t'appartenir. Et Dieu lui dit, parcours le pays. Donc, il a le droit d'aller là. C'est un pays que là où il va mettre son pied, Dieu lui donne. Mais Abraham, lui, lorsqu'il arrive en face d'Abimélec, il dit, je ne pensais pas qu'il y avait de la crainte de l'Éternel dans ce pays. Et qu'on me tuerait à cause de ma femme. Donc, quelque part, il tient à sa vie, mais il tient en même temps à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. Il tient à sa vie, il ne veut pas mourir, donc il est prêt à dire une demi-vérité. Ce n'est pas une vérité complète, c'est une vérité partielle. Il met de la sorte sa femme en danger. C'est ça qu'il est en train de faire en faisant ça. Il dit de plus, il est vrai qu'elle est ma sœur. Et là, il est en train de spécifier. Hein? Il est en train de mettre les choses un peu plus au clair. En fait, Dieu amène Abraham à dire toute la vérité. C'est ça qu'il est en train de faire. Cache rien, Abraham. Autant Abimélec a dit clairement tantôt la vérité, ce que tu nous as fait, ce n'est pas bien. Autant il amène Abraham à faire la même chose. Ni plus ni moins, il sert de quelqu'un d'autre pour l'amener là où il veut. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père, il dit à Sarah, « Voici la grâce que tu me referas. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » Voyez, il y a une complicité. Il y en a eu une complicité comme ça qui s'est produite dans le Nouveau Testament. Et ça a coûté la vie aux deux. Vous voyez qu'on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas dans le même schéma historique. Je vous ai parlé tantôt qu'on dans Genèse, on est avant toute la loi, mais lorsqu'on arrive dans Acte 5, là où on parle de Saphira et Ananias, lorsqu'ils vont retenir un montant qu'ils ont fait don à l'Église, ils ont dit qu'ils avaient tout donné, et ce n'était pas vrai dans Acte 5, Ananias va mourir et Saphira va mourir. Mais eux, ils ont toute la loi. Ils ont tout l'historique. Ils ont tout le plan de Dieu. Ils l'ont. Et en plus, ils ont devant eux des hommes qui sont remplis de l'Esprit-Saint, qui sont des apôtres, qui ont marché avec Jésus-Christ, qui les enseignent et qui leur disent quoi faire. Vous voyez? Donc, la sévérité de Dieu, rendue là, elle est très manifeste. Donc, autant il pouvait dire à Abimélec que si tu ne rends pas la femme, tu meurs, toi et ton royaume, autant rendu dans le Nouveau Testament, lorsqu'il arrive un événement comme ça, au début de la vie de l'Église, la manifestation de Dieu, elle est précise, mais elle est sévère. Parce que Dieu veut nous apprendre encore là à respecter ce qu'il dit, à craindre, à le craindre lui. Ce que ça va produire dans la vie d'Abraham. Comment la grâce de Dieu va se manifester dans la vie d'Abraham, même s'il a commis une erreur. Même s'il n'a pas dit toute la vérité. C'est qu'Abimélec, il va prendre de ses biens, de ses serviteurs, puis il va les donner à Abraham. Donc, il est en train de le combler de richesses. Et ça, c'est parce que Dieu agit à travers Abimélec. Donc, nous aussi, là, des fois, quand on reçoit quelque chose, gratos, là, ça arrive chez vous, là, gratos. Vous ne l'avez pas demandé. C'est comme un cadeau, hein, comme le salut, c'est un cadeau. Mais dites-vous qu'il y a quelqu'un qui agit en arrière. Et ce quelqu'un-là, c'est l'Éternel Dieu qui agit en arrière. Donc, il va le combler de richesses et il va récupérer sa femme intacte. Dieu n'a pas permis qu'il la touche. Pourquoi? C'est elle qui doit donner un enfant à Abraham et pas à travers Abimélec. Et voici ce qu'il va lui dire à Abimélec en même temps. Il dit, « Voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Intéressant. Hein? Lui, il est roi. On ne sait pas quel âge il a, mais Abraham en a 100 ans, lui-là. Mais on ne sait pas quel âge il a, mais il lui offre ni plus ni moins tout son pays. Abraham, tu es libre de t'installer où tu veux. Profite de mon royaume. Installe-toi. Et en même temps, il va donner un montant d'argent pour que Sarah soit justifiée. C'est-à-dire que personne ne vienne accuser Sarah de quoi que ce soit. Fait que quand il dit qu'on va placer un voile devant toi, c'est que je vais protéger ta réputation. Comment je fais ça? Bien, moi, Abimélec, je vais donner un montant d'argent à ton frère, qui va dire, il ne dit pas son mari, mais il dit son frère, mais dit dans le but que la réputation de Sarah soit échangée. Et ça, c'est encore là Dieu qui agit. C'est Dieu qui vient intercéder, vient agir à travers. Et même Abimélec va bénéficier de la grâce de Dieu. Parce qu'il demande à Abraham de prier pour lui. Et ce qui est arrivé dans sa vie, c'est que non seulement lui était malade, toutes les femmes de son royaume ne pouvaient plus enfanter. C'est pas drôle, là. Il y a du monde dans un royaume. Vous voyez la gravité de juste un mauvais choix du départ. Quand on prête des intentions et je fais un mauvais choix par après, ça a des conséquences. Ça peut avoir des conséquences sur la santé de quelqu'un, mais ça peut conduire jusqu'à la mort. Vous voyez? Fait que les relations qu'on a à maintenir les uns avec les autres, c'est capital. On ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas dire que ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Il faut en tenir compte. Dieu veille sur l'accomplissement de sa promesse. Comment il fait? C'est que Dieu, d'abord, il nous a choisis, nous, comme il a choisi Abraham. Dieu avait dit qu'il enverrait dans Genèse chapitre 3, qu'il enverrait à travers une femme un libérateur. Et ce libérateur-là, nous, on sait que c'est Jésus-Christ aujourd'hui, parce que nous, on a le plan de Dieu entre nos mains. Toute la révélation de Dieu, elle est entre nos mains. Donc, on sait qu'il devait envoyer un libérateur pour nous sauver Israël de ses péchés, qui est écrit dans Matthieu, par rapport à Jésus-Christ. Mais Dieu, non seulement a choisi Jésus de venir pour nous libérer, mais il nous a choisi, nous, au même titre qu'il a choisi Abraham, dans lequel il va manifester sa gloire et dans lequel il va nous faire bénéficier de sa grâce. Dieu va intervenir en même temps pour amener chacun à la repentance. Donc, vous voyez qu'Abimélec, lui aussi, a dû reconnaître qu'il avait des actions à poser. Il avait, dans l'action principale, c'était d'obéir à ce que Dieu lui disait. Et Abraham, de son côté, il devait dire toute la vérité. Ne rien cacher. Je vais te dire qui je suis vraiment. Et Dieu va faire justice aux non-coupables. C'est ce qu'on peut apprendre du texte. Lorsqu'Abimélec pose la question à Dieu, « Vas-tu détruire un royaume des gens qui sont justes? » Et Dieu dit, « Je sais. Je sais que ce que tu me dis est vrai. Et je sais que tu as un cœur pur. Et voici, en conséquence, voici ce que je vais faire. » Et dire la vérité, avec amour qui nous est enseigné aussi dans le Nouveau Testament, ça édifie l'autre. C'est dans Éphésiens chapitre 4. Il dit, « Et professant la vérité, avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Voyez, lorsqu'Abimélec vient dire la vérité directement à Abraham, ça amène Abraham à son tour à dire la vérité et à vivre dans la vérité. C'est ça que ça amène. Et ça, ça va l'édifier. En fait, c'est que dans le restant des textes qu'on va parler d'Abraham, un événement semblable où Abraham et Sarah vont dire qu'ils sont frères et sœurs, on ne reverra plus ça. J'ai tendance à croire que Dieu a marqué vraiment un point dans la vie d'Abraham. Parce qu'il est en train de l'amener à croire en lui. Croire parce que Dieu lui a dit au chapitre 17 qu'il était son bouclier, qu'il était son défenseur et qu'il s'attendait de lui, Dieu s'attendait d'Abraham, qu'il soit intègre dans sa conduite. Et je pense que par cet événement-là, Dieu vient de montrer clairement à Abraham, « Abraham, quand je t'ai sorti d'un événement fâcheux, où Sarah, ça aurait pu être vraiment dramatique pour elle, et dramatique pour ce que je vous ai dit, là. Si moi, je n'interviens pas, ce n'est pas drôle, là. Mais Abraham croit. Fais-moi confiance. Fais confiance que le plan que j'ai pour toi, il va parfaitement s'accomplir. Et Dieu, on voit à travers cet enseignement-là, je dirais, qu'il n'a pas rejeté Abraham. On ne va pas voir Dieu faire un reproche à Abraham. Abimélec le fait. Enfin, Dieu, on va dire qu'il parle indirectement, oui. Mais Dieu ne va pas le culpabiliser, lui, et il ne va pas le démolir, lui, dans le but qu'il se décourage. Non. Il a fait la promesse qu'à travers lui, il y aurait un descendant. De ce descendant-là viendraient des générations, des rois, dans lesquels il y aurait un jour un sauveur et un roi éternellement. Et Dieu va accomplir cette promesse-là jusqu'au bout. Nous, on sait que le roi, c'est Jésus-Christ. Il est le roi des rois, même si le monde ne le voit pas. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Et pour la majorité d'entre vous, il est le roi et le seigneur de votre vie. Qu'est-ce que Dieu nous demande à nous? Dieu nous demande à nous d'user aussi de grâce les uns envers les autres. Et je vais citer avec vous Colossiens 3, 12 à 17. Certains d'entre vous l'avaient appris par cœur il y a longtemps. Peut-être que vous vous en souvenez. Sinon, bien, ouvrez vos Bibles, on va les regarder. Il dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. C'est ce que nous sommes. Revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Et si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout ça, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Dieu à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Car la parole de Dieu habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. C'est tout un défi, c'est le défi d'une vie. Mais si on le fait jour après jour, Dieu est vraiment glorifié. Et notre foi à nous, elle est fortifiée. En plus, on demeure intègre devant Dieu. Alors, remercions Dieu vraiment pour sa grâce qui est incomparable, qui est exprimée envers nous tous, sans distinction, qu'on soit un petit enfant ou qu'on soit une personne âgée, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit de nationalité canadienne ou qu'on vienne d'un autre pays. Indistinctement, sa grâce, elle est accessible à tout le monde. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Que seulement, Seigneur, ce que tu veux que l'on retienne, on te prie de le graver dans nos cœurs. Que tu nous aides dans nos relations les uns envers les autres et que tu sois glorifié par nos vies, Dieu. Merci pour ton témoignage. Merci pour le témoignage que tu nous laisses dans ta parole. Et bénis tes enfants. Bénis-les abondamment. Donne-leur l'occasion de parler de toi aujourd'hui. Amen.